Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On va parler avec notre collaborateur de baseball, Marc Griffin. Salut, Marc. Marc, je mets sur les médias sociaux, puis les gens aiment ça beaucoup. Je mets des box scores, je vais dans Baseball Reference, puis je mets des box scores des années 80, des expos, avec dans le temps de Tim Raines et ainsi de suite. Puis je suis les dates, comme exemple, le 22 juin. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mis le 22 juin 1982. Puis dans ces années-là, les expos dans la même semaine. Les expos allaient au Wrigley Field, puis il y a un match qui s'est soldé par victoire, je pense, des expos, ou des Cubs 13-12, puis ça m'a fait penser, Marc, on est de la même âge, rappelle-toi des années 80, avant qu'il y ait les réflecteurs au Wrigley Field, c'était magique au Wrigley Field en raison du vent. Un match au Wrigley Field n'était jamais fini, parce que ça dépendait du vent. Si le vent poussait vers l'extérieur, ça allait être une longue après-midi, puis s'il poussait vers l'intérieur, la balle ne voyageait pas. Et il me semble qu'on voit moins de ça au Wrigley Field. T'as-tu remarqué ça? Bon, écoute, c'est sûr qu'évidemment, lorsque tu vois tous les matchs en après-midi à l'époque, c'était toujours différent, toujours unique de ce que le Wrigley Field représentait. Ouais. Je dirais que c'est peut-être plus la nouvelle génération du baseball qui fait que on voit peut-être moins des pointages de la sorte. Ouais. Tu regardes ce qui s'est passé les rénovations du Wrigley Field depuis quelques années, là. Ouais. Où t'as l'espèce de d'écran monstre dans la droite, là, l'espèce de d'écran géant, si tu veux, là. Ouais. Je te dis pas que ça camoufle du vent, là, mais je te dirais qu'à quelque part, on a l'impression que ça a changé un peu, là. Okay. Effectivement, la façon dont la balle voyage au Wrigley Field. Mais je pense que c'est beaucoup plus ta question est pertinente, puis je pense que c'est beaucoup plus générationnel que nécessairement le vent de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez clair là qu'en 2018, c'est la longue balle, le but sur balle ou le retrait sur des prises. Ouais. Puis d'ailleurs, de plus en plus, là, je sais que le commissaire parle beaucoup là, de la baisse d'assistance dans le baseball, mais moi, je te dirais qu'à quelque part, on est dans un cycle en ce moment dans le baseball qui fait que ça suit pas du tout la tendance du passé. OK. Ben non, c'est sûr. Parce qu'on n'a plus... t'as plus de hit and run, t'as moins de vol de but, t'as plus de tir commandé à l'extérieur, t'as moins d'amorti sacrifice. Fait que ce qu'on appelait le small ball, là, je dis pas qu'il est disparu, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins où le gérant attend la claque de 3 points, le circuit de 3 points. Et on vit maintenant avec le retrait sur des prises comme si c'était un retrait ordinaire. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles en jeu en ce moment. Il y a très peu de balles en jeu, alors la défensive est moins exploitée. Et Marc, moi, c'est bien ce que tu dis, puisqu'on est des années 80, les meilleurs matchs de baseball que j'ai vus, c'était des expos contre les Cards, avec Buck Rogers d'un côté, Whitey Herzog de l'autre côté, t'avais Vince Coleman, Willie McGee, Tommy Hurt, Timmy Pendleton, il y avait de la vitesse, et du côté des expos, c'était Tim Raines, t'avais Otis Nixon également qui était là, Rex Adler, il y avait de la vitesse, il y avait de la stratégie, il y avait de tout, là. Oui, parce que tu donnais un but sur balle ou, je sais pas, Tim Raines, ça aurait pas un coup sûr. Ouais. Le lanceur adverse, là, il fallait qu'il surveille Raines parce que ça allait se transformer en double. Otis Nixon, la même affaire. Puis de l'autre côté, bien évidemment, tu fais la même affaire. Coleman se rendait sur les buts. Ouais. Willie McGee le poussait au troisième avec un simple. Là, il y avait un ballon sacrifice pendant ce temps-là. McGee prenait le 2 là-dessus. C'était du baseball très, très, très différent. Mm-hmm. Il y a bien des aspects qui ont changé ça. Je pense que l'argent est un aspect. Ouais. Ça, tu as l'aspect physique, un paquet de choses. Mais on est dans une, comme je l'ai dit tantôt, là, une espèce de d'air de baseball où on se questionne beaucoup. Là. Je pense que les athlètes sont meilleurs, il y a beaucoup d'éléments. La puissance n'a jamais fait autant partie du baseball, souvent autant les lanceurs que les frappeurs. Alors, ça va être la prochaine génération de joueurs qui devra, selon moi, changer tout ça en étant des frappeurs plus complets, frapper la balle un peu partout, parce que les frappeurs unidimensionnels sont à veille de mourir présentement. Il y a combien de frappeurs qui frappent en deçà de 200? Ah oui. Il y a même en deçà de 175 en ce moment. Et, là, j'arrive sur mon deuxième sujet. J'ai écouté ton podcast cette semaine avec Alain Giroux. Très bon podcast qui est enregistré le lundi. Je l'ai écouté ce matin. Et tu parlais avec Alain des joueurs des moyennes. Alain a parlé de Russell Martin, il a parlé également de Chris Davis. Écoute, Chris Davis, ça a jamais été Wade Boggs, là. Faut s'entendre, là. Ça a jamais été Tony Gwynn non plus, là. Davis, 240, mais c'est la puissance. Dans le cas de Russell, c'est plus, je dirais que c'est plus que son bâton ralenti. T'es-tu d'accord avec moi? Ah ouais, c'est l'âge qui fait son œuvre. Tu sais, Russell, faut pas oublier là, que le gars a agi comme receveur une bonne grande partie de sa carrière. Ouais. Physiquement, c'est un gars qui en a enduré pas mal. Ouais. Alors, c'est pas anormal ce qui se passe. C'est juste que sa descente a été peut-être un petit peu plus rapide qu'anticipée. Mm. Parce qu'il est en grande forme physique néanmoins. Mais ça reste que, tu sais, encore une fois, là, c'est l'autre aspect du baseball. C'est sur 12 lanceurs, t'en as 9 qui vont lancer 95 et plus. Il n'y a plus un releveur, là. Tu sais, les partants, là, tu vas pas vivre avec un partant qui lance 89, 90, parce que il y a 3-4 lancés, puis il est précis, puis bon. Mais un releveur, aujourd'hui, là, ouais. Tu regardes les 3-4 releveurs là, de fin de match, c'est des gars qui lancent à 97 000 et plus. Alors, c'est sûr que des bâtons qui ralentissent un peu vont être affectés par ce genre de... par cette situation-là. Puis, Russell en est une victime, comme bien d'autres, d'ailleurs, cette année. Alors, regarde ce qui se passe avec Miguel Sano, qui est rendu dans les mineurs. Puis, je veux dire, on pourrait en nommer, là, 15, 20, 25 des gens qui... Ben, t'as parlé de Devin Travis. T'as parlé de Devin Travis dans ton podcast, et... T'as raison, parce que Devin Travis, depuis qu'il est revenu de Buffalo, ça a pris un certain temps, par contre, avant de se remettre en marche, mais depuis deux semaines, il va très, très bien. Ben, tu sais, des fois, là, prends un petit recul, réanalyse ton élan. Moi, je regarde le cas, c'est Jason Hayward. Ouais. Jason Hayward allait nulle part là, avec les Cubs, il faut se l'avouer. Là. Excellent joueur en défense, un des meilleurs, selon moi, mais son coup de bâton. Et là, il a travaillé avec Chiri Davis, puis lorsqu'il a été blessé par sa commotion cérébrale, il a pris donc un petit plus de temps pour revenir au jeu. Ça lui a pris le temps d'analyser son élan avec Chiri Davis. Et là, ils ont trouvé une petite faille dans son élan où sa tête travaillait un petit peu trop, sa tête avançait vers la balle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en trouvant parfois un petit élément mécanique, tu regardes le travail de Jason Hayward depuis 2-3 semaines, un des meilleurs frappeurs du baseball présentement. Là. Ouais. Fait que il y a des aspects où on peut s'améliorer puis trouver des solutions. Ça a pris du temps, mais on est capable. Alors parfois de prendre un recul, comme Travis, comme les Twins font avec Sano, en l'envoyant dans le A, là, même pas dans le 3 ou dans le 2, dans le A pour vraiment reprendre sa mécanique, ben parfois je pense que ça peut être payant. Ouais. Marc, je veux te parler de Shohei Ohtani également. Écoute, il devrait subir l'opération Tommy John. Comment tu trouves ça? C'est sûr qu'au Japon, on lance tous les 7 jours. Ici, on lance tous les 5 jours. Par contre, les Angels l'ont utilisé comme s'il était au Japon. Là, il lançait à tous les 7 jours là, la plupart du temps avec les Angels. Là. Il lançait tous les dimanches. L'opération Tommy John, ça prouve à quelque part que les lanceurs japonais, c'est les mots de bras. C'est les mots de bras, puis il faudrait être patient, hein? Rappelez-vous lorsque il était venu en Amérique faire ses... C'est comme Bain. Ouais, exact. Il avait mentionné qu'il y avait une fragilité à ce niveau-là. Et là, les Japonais, bon, tu sais, c'est pas encore confirmé là, de façon officielle qu'il va subir l'opération parce qu'on tente de l'éviter à tout prix, mais c'est pas anormal. Je veux dire, c'est juste, regarde le pourcentage de lanceurs ici, là, en Amérique du Nord, qui ont subi ou qui vont subir ou l'opération de type Tommy John, il y en a beaucoup. C'est juste dommage que ça arrive, tu sais, où un joueur, selon moi, allait avoir un impact important dans le baseball, c'est-à-dire de faire les deux et de faire les deux avec succès. J'espère que lorsque tout ça sera réglé, que ce soit opération ou non, mais qu'il va revenir au jeu, qu'il puisse poursuivre dans le même sens, parce que je trouve ça très rafraîchissant, moi, pour le baseball, de voir un gars être capable de faire les deux comme il l'avait fait. Puis je trouve que les Angels, effectivement, tu l'as bien dit, l'avaient employé de façon, selon moi, parfaite, là, pour qu'il juste, justement, qu'il puisse maintenir un bon rythme et garder son bras en santé. Mais il est arrivé avec une faiblesse, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ah, effectivement. Du côté des Jays, est-ce que tu t'attends à beaucoup de choses? J. Hart va partir, c'est sûr, c'est la plus grosse monnaie d'échange. Tu dis que les Yankees est intéressés, il y aura plusieurs équipes, un lanceur gaucher qui est capable de lancer au-dessus de 200 manches, 15 victoires sûres, c'est sûr que ça l'a pas de prix. Donaldson connaît quand même une saison avec des blessures, mais j'en parlais avec Bruno Boudreau, Marc, la semaine passée. Les Jays peuvent toujours se dire, bagarre, Donaldson, oui, il était blessé en première moitié, mais l'année passée, c'était le meilleur joueur en deuxième moitié de saison. Les Jays peuvent toujours dire ça. Oui, non, absolument. Je veux dire, regarde, il y a quelque part, avec la saison qu'il connaît, peut-être qu'il n'y aura pas une tonne d'offres possibles pour Donaldson. Peut-être que tu peux même le garder, à la limite. Ouais. Tu sais, je veux dire, Donaldson est quand même le type de joueur qui est capable encore de t'en donner si jamais il est en santé, là, et qui pourrait justement aider la cause avec un jeune Vladimir Guerrero qui s'en vient. Tu sais, Justin Smoke a ralenti quelque peu. Est-ce que Donaldson pourrait être un peu plus un DH, un premier but? Je pense que tout ça est évalué. Mais chose certaine, c'est J-Hap qui a le plus de valeur en ce moment dans cette formation-là. Et c'est probablement lui qui va quitter pour, encore une fois, donner encore un peu plus de profondeur à cette reconstruction des Blue Jays qui, oui, fait mal cette année. Là, c'est pas la chose qu'on souhaitait. Mais moi, j'ai toujours dit, et je le pense encore, l'avenir semble très prometteur pour ces joueurs. Ouais. Et faut pas oublier que c'est quand même pas facile de jouer dans la division Est de la Ligue américaine avec les Yankees et les Red Sox. Ouais. Marc, un gros merci. On s'en reparle dans 2-3 semaines. Non? C'est bon, merci. Le collaborateur Marc Griffin. Merci.